Hé, calme-toi, tu vas réveiller les gamins. Franchement, purez-vous, bro. Il y a au moins 2 heures peut-être dans. Oh, qu'est-ce que tu fais? Attends, je faisais juste un. Vas-y, fais écouter. T'es tard, il fallait ouvrir. Rentrez au premier point du rap, mec. On m'a fait clairement frapper par les moves. Découvrir un nouveau gros rap, le hip hop. C'était l'époque des Alpha MC, TLG, si bien c'est mon crew. Le 63 MCN passé. Côté danse, c'est venu New Force, les TBN. Sans oublier Bully, G, ma mère. Je n'oublie pas le groupe de Fadj, la Zip aussi, DJ Lyle, la Rien, l'Eric B. Rally, c'était un festival de bonnes vibes. Mec, un large éventail. Le skit et le hip hop dépassent le détail. Le rap chez nous, on veut l'odeur de bitume. On faisait du rap cru, c'était l'époque du rap sans thune, je me souviens. C'est longue soirée à l'oasis, c'est grave de cool vater. Big up à D.U.L.I.M. J'aimerais revenir à cette époque, viens on la retourne. Le hip hop, une histoire qui tourne en boucle comme un cycle. On est des rappeurs old school, frangin. On est des rappeurs old school, frangin. 1991, la ville est chaude, la vibe c'est hip-hop. L'écho de la rue nous parle de breakdance, de hype et d'approc. Des murs cramés de graffiti, inscrits en gros sur les blocs. De b-boy, de skin, de blood et puis des scripts. Yo, c'était l'époque de Colors, tout le monde portait des bandeaux. On se la jouait pour truquer, même sans gants, on s'est mis barrio. Yo, j'avais un carré à la kid and play. J'étais pas américain, mais je voulais me la jouer américain. Il fallait tout casser, être surclassé. Être sûr qu'en une phase, on avait tout raflé. C'était la compétition, les nuls s'appelaient bouffons. Et en fin de concours, on les dépouillait au fond du wagon. Non. Le truc c'est qu'il fallait être dans le coup et pas seulement être black en s'écriant qu'on était zoulou. Non. Fallait un minimum de savoir-faire pour lever la foule et la semaine d'après pouvoir le refaire. On est des rappeurs old school, frangin. On est des rappeurs old school, frangin. Fin 2003, bientôt 2004, on voit le rap, beaucoup se disent mec. C'est des tracts en maison de bise, puis sur dernier pifton. Certains y trouvent un intérêt commercial, quand d'autres, devant la star, crève la dalle. Paraît que le rap en France ça paye mal. On m'a des larges à faire mais j'ai encore des verres à poser. J'ai du mal à lâcher le bic et la feuille. C'est pas par orgueil, la scène la chair. Hey yo, sur laquelle je prêche frère. Back in the days, autour aux sources. Sur ce beat old school, du pur rap. Sur de la musique sous le funk. Hey yo, le LV ça n'a qu'à. Entends ce qu'on a, check mon flow comme à la base. On est des rappeurs old school, frangin.